Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Interrogeons sur ce qu'ils éprouvent, ces hommes qui ont de l'amour pour des beautés qui ne sont pas corporelles. Que ressentez-vous en présence de nobles occupations, de bonnes mœurs, d'habitudes de tempérance, et en général en présence d'actes et de sentiments vertueux, de tout ce qui constitue la beauté des âmes? Que ressentez-vous quand vous contemplez votre beauté intérieure? D'où vient que vous souhaitez vous unir à vous-même et vous recueillir en vous isolant de votre corps? Ces questions sont posées par le philosophe Plotin, qui vit au IIIe siècle après Jésus-Christ et qui décrit l'état intérieur que recherche Sherlock Holmes dans la série Sherlock. Sortez. Pardon? Sortez, que je me retire dans mon palais mental. Votre quoi? Il va être plutôt silencieux pendant un moment, alors on ferait aussi bien de s'en aller. Son quoi? Palais mental. C'est un moyen mnémotechnique, une espèce de carte mentale où on détermine un lieu qui n'a pas besoin d'exister réellement et dans lequel on dépose des souvenirs. En théorie, on n'oublie rien. Le tout, c'est de trouver la route qui ramène à ce lieu. Ce lieu imaginaire peut donc être n'importe quoi, une maison, une rue. Ouais. Mais il a dit palais, que c'était un palais. Oui, il est comme ça. Bonjour Laurent Lavaux. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous aussi, vous avez un palais mental? Quand je lis des traités de Plotin, j'essaie effectivement de moi-même de me retirer dans ce palais mental. La différence peut-être avec l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est que c'est un palais qui existe pour Plotin, alors que ouais. Dans l'extrait, on voyait que c'était un palais qui était purement justement imaginaire en quelque sorte, tandis que pour Plotin, c'est le lieu même non seulement de l'intériorité, mais de l'être, de la réalité d'une certaine façon. Donc, on a vu d'ailleurs aussi dans l'extrait que Sherlock Holmes ne le faisait que dans le silence. Et ça, c'est assez plotinien. Que le retrait en soi suppose de faire taire les bruits du monde et les sollicitations du monde pour pouvoir plonger en soi-même. Mais c'est une plongée qui est une odyssée, qui est une aventure vers une terre réelle. Cette notion d'intériorité ouvre cette émission sur Plotin, parce que contrairement aux autres conceptions du beau que nous avons évoquées cette semaine depuis lundi, chez Plotin, la beauté est aussi, et peut-être surtout, intérieure. C'est le sens de l'extrait que j'ai lu en tout début d'émission, où il s'adresse aux hommes qui aiment autre chose que le corps. Il dit: que ressentez-vous quand vous contemplez votre beauté intérieure? En quoi une beauté peut-elle être intérieure, Laurent Lavaux? Alors c'est toute la problématique des traités de Plotin. Effectivement, elle est éminemment intérieure. Dans le traité 1, il dit « rentre en toi-même et vois ». Donc, il y a une vision qui n'est pas de l'ordre de la vision sensible. Pour autant, il y a aussi une traversée du sensible chez Plotin. La beauté n'est pas seulement, comme vous le disiez, elle est aussi intérieure. C'est-à-dire que elle est avant tout dans le premier choc de ce que nous rencontrons dans la vie sensible, dans la vie du monde. Et c'est en traversant cet appel immédiat de la beauté du monde que nous pouvons ensuite, par une sorte de conversion, passer justement à cette beauté intérieure. Mais le moment de l'extériorité, le moment du sensible est toujours requis d'une certaine façon. Plotin commence toujours par évoquer qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque je regarde une belle statue? Qu'est-ce qui se passe lorsque tout d'un coup je suis saisi par un éclair dans la nuit qui provoque en moi de l'effroi, mais qui est aussi le premier moment, en quelque sorte, de cette conversion, de ce retour en soi-même. Un mot peut-être sur les écrits de Plotin, et même sur Plotin. Il ne fait pas partie de ces philosophes qu'on connaît sans les connaître. Enfin, quand on parle de Descartes ou de Kant, ça évoque quelque chose. Plotin, beaucoup moins. Vous êtes professeur en philosophie antique à l'ENS de Lyon, Laurent Lavaux. Vous avez traduit et commenté 5 traités de Plotin, et vous avez beaucoup travaillé sur Plotin. Pour comprendre ce que vous êtes en train de dire et pour comprendre la conception que Plotin propose de la beauté, il faut l'inscrire dans une certaine, peut-être, histoire de la philosophie, notamment par rapport à Platon. J'ai dit qu'il vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est pourtant longtemps après Platon, mais il fait partie de ce qu'on appelle les néo-platoniciens. Alors effectivement, pour Plotin, s'il y a une vérité, hein, c'est celle de la philosophie de Platon, et c'est de celle-là dont il s'agit s'inspirer, et qu'il s'agit de défendre, hein, face à l'époque, au IIIe siècle, à d'autres écoles de philosophie, qui seraient notamment le stoïcisme ou la tradition péripatéticienne, celle qui vient d'Aristote. Hein. Et donc, défendre la philosophie, défendre la vérité, c'est défendre cette source, en quelque sorte, de pensée qui vient de Platon. Pour autant, même si Plotin se revendique lui-même comme un commentateur, un exégète, hein, de Platon, il a sa propre inspiration, hein, et cette inspiration, elle lui vient aussi d'expérience, hein, d'expérience qu'il fait. Alors on appelle parfois cela des expériences mystiques, mais surtout ce sont des expériences, on en voit d'ailleurs dans les traités peut-être qu'on lira tout à l'heure, des expériences de pensée qui passent finalement par tout un étagement de la réalité. Être néoplatonicien, c'est penser que on a un voyage, je parlais tout à l'heure d'Odyssée, à faire pour remonter en quelque sorte ce qui le mouvement de l'âme qui est allé de l'intelligible vers le sensible, et le philosophe, c'est celui qui doit faire l'expérience à rebours, qui doit prendre à rebours ce mouvement de descente et qui doit petit à petit remonter vers l'origine. Et cette remontée, elle se fait à travers différents degrés, différents niveaux, à partir du sensible, vers l'âme, de l'âme ensuite vers le Dieu intelligible, vers l'intellect divin, et enfin vers l'un, indicible, impensable, origine de toute chose. C'est ce que Plotin appelle l'un bien, ou en tout cas ce qu'on peut appeler l'un bien, qui est assez difficile à concevoir, parce que c'est à la fois un principe et en même temps quelque chose qui est une origine, mais c'est pas chronologique non plus, c'est très difficile de savoir où Plotin met l'un bien, et pourtant toute sa philosophie se ramène à cet un bien. Alors comme vous le dites, effectivement, c'est très difficile à penser, puisque par définition, il dit que c'est anoéton, que ça ne relève pas de la détermination de la pensée. Donc on est comme saisi d'une sorte de mystère et d'effroi devant cette inintelligibilité du principe, hein, qui excède d'une certaine façon nos capacités. Et pourtant, tout dérive de l'un, et dans cette, il appelle cela la procession, hein, c'est selon un mouvement, hein, qui fait que l'un, en étant au-delà de l'être et de la pensée, donne à toute chose d'être et d'être intelligible, de penser. Donc, ça paraît peut-être aux étudiants quelque chose de mystérieux, ça l'était pour Plotin lui-même, mais si l'on veut remonter à la source de toute chose, eh bien l'origine ou le divin, il parle parfois du Dieu, hein, pour désigner l'un. Oui, mais c'est ça, c'est pas juste un synonyme de Dieu ? Alors c'est le Dieu du christianisme. Alors oui, mais en même temps, ce n'est pas le Dieu chrétien. C'est même si c'est après Jésus-Christ, hein, il s'oppose beaucoup à des sectes chrétiennes, notamment le gnosticisme. La grande différence avec le christianisme, c'est que c'est un principe qui n'est pas personnel, qui est absolu, l'un, qui est en quelque sorte une existence qui n'a pas d'ouverture vers l'autre que soi, à la différence du Dieu personnel chrétien, qui est un Dieu créateur qui s'ouvre dans le rapport au monde. Là, l'un, d'une certaine façon, par son caractère absolu, il n'est pas en relation avec l'autre que soi. C'est nous qui pouvons, par notre âme, d'une certaine façon, tenter de remonter jusqu'à lui, mais il n'y a pas cette ouverture, cette préscience de Dieu qui vient au secours de l'homme. On va voir de quelle façon la beauté peut nous aider à faire ce chemin, ce voyage, cette odyssée qui consiste à remonter jusqu'à l'un. Avant d'entendre un extrait des traités de Plotin, je voudrais qu'on entende le type de postérité qu'a pu avoir Plotin, parce que son travail a ensuite innervé une grande partie de l'histoire de la philosophie, a pu disparaître, puis revenir, notamment à la Renaissance, dans une certaine forme de l'idéalisme allemand. Et puis figurez-vous qu'on le retrouve, alors je ne pense pas que ce soit volontaire, mais la similitude est frappante, dans la bouche du peintre et écrivain Jean-Luc Parent. Écoutez-le parler de la beauté. La beauté, pour moi, c'est ce qui est vrai. Pour moi, c'est aussi peut-être quelque chose comme l'intérieur qui serait mis à l'extérieur. Hein, la beauté, ça serait par exemple la lumière qui sortirait de la nuit. Ce que je pourrais appeler la beauté, ordinairement, ça serait les yeux, tout simplement, le regard des êtres qui nous entourent. Et je pense que dans les yeux, on a justement l'intérieur qui est à l'extérieur. C'est très important, c'est l'intérieur qui apparaît à l'extérieur. La beauté, ça serait en fait ce qui est vrai, mais aussi ce qui est intouchable. C'est-à-dire, ça serait tellement loin, hors de notre portée, qu'on ne pourrait pas l'atteindre. L'importance des yeux, de l'intérieur, de la lumière qui surgit dans la nuit et ce côté intouchable, inatteignable, Laurent Lavaux, c'est assez troublant, non ? C'est très étonnant. Plotin aurait peut-être pu signer effectivement cette déclaration. Alors, peut-être avec une correction, peut-être, c'est effectivement de l'intérieur qui surgit vers l'extérieur. C'est vrai, c'est-à-dire que la beauté, c'est la manifestation pour Plotin. C'est de l'ordre d'un mouvement de l'être qui a à se manifester, à se rendre visible. Et donc, il y a ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il y a aussi le mouvement inverse. C'est-à-dire que, d'ailleurs l'extrait le dit aussi, c'est-à-dire qu'à travers les yeux passe quelque chose d'un autre ordre. La beauté est toujours aussi, pour nous, lorsque nous en faisons l'expérience, un mouvement de dépassement, de retour. La beauté a quelque chose à voir, pour Plotin, avec le souvenir, avec la mémoire. Il s'agit de se rappeler de quelque chose que nous ne sommes plus ou que nous avons abandonné et que pourtant, finalement, qu'il s'agit de redevenir. Et donc, c'est une affaire d'identité, vous dites. Nous ne sommes plus redevenir. Oui, c'est-à-dire que c'est une affaire d'identité absolument, de retour à une identité véritable, à une identité originelle. C'est-à-dire que l'âme, pour Plotin, était dans le cortège des dieux, selon l'expression aussi du Phèdre de Platon, l'âme était une réalité intelligible et par un accident, elle est descendue dans le sensible. Il y a une négativité indéniable du sensible. Mais cette identité, d'une certaine façon, le beau, la beauté, est un appel à redevenir ce que nous fûmes. À redevenir, justement, cette lumière, cette lumière première, qui est de l'ordre de l'intelligible, selon tout un processus réglé, qui passe de la beauté des corps jusqu'à la beauté de l'âme, de la vertu, pour accéder à la beauté de la sagesse elle-même, de la Sophia, qui s'identifie avec ce fameux intellect divin qui lui-même vient après l'ambiant. C'est-à-dire que pour Plotin, encore plus que pour Platon, le problème, c'est la matière. Pas juste le sensible, la matière, elle existe, elle est là, elle n'a pas de forme, et il l'identifie au mal. Alors tout à fait, le problème c'est ça, c'est la matière, c'est le mal en soi, autokakon. Et la différence est très importante que vous évoquez, il ne faut pas confondre chez Plotin la matière et le sensible. Le sensible, c'est déjà de la matière qui a recueilli en elle les reflets des formes intelligibles, et c'est l'âme de l'univers qui a modeler, former le monde à partir de la matière, en reflétant les formes précisément sur la matière. Et le beau, qu'est-ce que c'est ? C'est justement ce moment où l'intelligible, les formes intelligibles se reflètent sur ce miroir qu'est la matière. Mais derrière le sensible, il y a toujours cette menace de l'horreur de la matière. Et pourquoi la matière, c'est le mal ? Parce que c'est l'indéterminé, parce que c'est l'illimitation. C'est là encore de l'inintelligible, quelque chose qui trouble en quelque sorte le regard et dans laquelle l'âme peut se perdre. C'est aussi, d'une certaine façon, la laideur en soi. Plotin dit que les formes intelligibles qui se reflètent dans la matière recouvrent la matière et, d'une certaine façon, permettent à l'homme d'habiter le monde. S'il n'y avait pas cette production du sensible, cette production de la beauté sensible par l'âme, eh bien, la matière troublerait l'âme et elle serait, en quelque sorte, elle vivrait hors d'elle-même totalement et ce serait une vie impossible, d'une certaine façon. Donc la beauté est déjà un premier effet, et le monde sensible est beau en soi parce qu'il est le premier effet de l'activité de l'âme qui recouvre précisément l'horreur de la matière. Le monde sensible est beau quand il est vu à travers l'âme, c'est ça ce que vous dites ? C'est qu'il faut que l'âme laisse sa marque dans le monde sensible pour qu'il puisse être jugé beau. C'est ça, c'est-à-dire que l'âme se reconnaît sa propre activité, de formation, d'intelligibilisation, de dynamisme à la manière dont elle ne cesse de donner forme, de rendre vivant, donc de vivifier les êtres du monde sensible. Et donc elle se reconnaît dans ce monde sensible. Là encore, il radicalise la position platonicienne qui distingue le monde des idées d'un côté du monde sensible de l'autre pour faire vite de manière schématique. Ce dualisme, on le retrouve, mais Plotin va jusqu'à identifier la vérité, même la réalité, au savoir. Au fond, ce qui est vrai, c'est ce qui appartient au domaine du savoir. Le reste, Bah, c'est la matière, c'est des choses qui n'ont pas le même statut de vérité ni de réalité. Oui, alors effectivement, et la vérité, alors pour revenir à la vérité, c'est la beauté en soi, précisément. Ah oui, la vérité elle-même est belle. La vérité elle-même est belle. C'est-à-dire que, on pourrait d'une certaine façon dire que, et c'est peut-être ça qui est étranger à nos consciences modernes, cheminer vers la beauté, c'est cheminer aussi vers cette vérité de l'être qui est réellement. Et justement, ce que j'appelais tout à l'heure avec Plotin la Sophia, la sagesse, c'est l'essence même de la beauté. Et donc, bien penser les réalités intelligibles, penser un beau théorème, c'est déjà... Ça a déjà une forme de beauté. Mais d'une certaine façon, si vous interrogez des mathématiciens, ils auront aussi cette intuition assez plotinienne. Ils vous diront, c'est une belle démonstration. Il y a cette idée que il y a différentes échelles de beauté, différentes formes de beauté, du sensible à la vertu, de la vertu à la vérité, de la vérité des sciences, et ensuite de la vérité des sciences à l'intellect donc lui-même, qui est presque même au-delà du savoir encore discursif des mathématiques, par exemple. Mais alors, comment définit-il la beauté? Il essaye de se distinguer des stoïciens qui voient dans la beauté quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, de symétrique. Plotin dit non, ce ne sont pas les attributs de la beauté. Est-ce qu'il en propose une définition positive? Alors, en tout cas, il dit ça ne suffit pas pour dire ce qui est beau. Justement, cette symétrie des stoïciens, cette symétrie, cette harmonie des parties. Donc, pour un stoïcien, qu'est-ce que c'est que ce qui est beau? C'est quelque chose qui est bien équilibré, qui est harmonieux. Le danger pour Plotin serait de réduire la beauté à une sorte d'immanence du sensible. C'est-à-dire que la beauté serait une propriété de la chose elle-même. On se trompe. Si on fait cela, on court un grand danger qui est que on réduit la beauté précisément. La beauté est quelque chose de dangereux presque dans le sensible parce qu'elle risque de fasciner, d'obnubiler le regard. À certains moments, Plotin parle de Circé. C'est une sorte de magicienne aussi qui risque de nous égarer et du fait qu'on risque de rester prisonnier du sensible. La différence donc avec la symétria, c'est que la beauté n'est pas simplement une qualité des choses, mais je pense que fondamentalement la beauté plotinienne est un événement, quelque chose qui advient, qui est une advenue et qui peut advenir et repartir d'une certaine façon. Et c'est pour ça que l'image de l'éclair dans la nuit, dont qu'il reprend dans le traité 1, est très frappante. C'est quelque chose qui nous saisit soudainement, devant lequel on peut éprouver une forme d'effroi et qui peut de façon fugace, repartir. Donc, il faut se laisser saisir par cette advenue de la beauté, mais qui n'est jamais autosuffisante, qui est toujours, la beauté est toujours un dépassement, un appel à se dépasser, à dépasser l'ordre dans lequel elle se manifeste. Et la beauté advient, survient comme un événement et comme quelque chose qui vient contrer ce que Plotin appelle la laideur. Écoutons un extrait du traité 1. Chapitre 6, dans lequel Plotin définit la beauté, mais aussi la laideur et même l'absolue laideur. Disons ce qu'est, à premier abord, la beauté dans les corps. Il y a assurément quelque chose qui est sensible à première vue. Et l'âme en parle comme si elle y était unie, l'accueille en le reconnaissant, et finalement, en quelque sorte, s'y ajuste. Quant à la laideur, si elle la rencontre, elle la rejette, la repousse, et s'en éloigne comme d'une chose qui ne lui correspond pas et qui lui est étrangère. Nous disons donc que l'âme, tournée vers la meilleure des réalités, lorsqu'il lui arrive de voir quelque chose qui est apparenté à la nature qu'elle a, ou au moins une trace de cela, elle se réjouit, s'agite, revient à elle-même, se ressouvient d'elle-même et de ce qui lui appartient. Il faut bien dire que tout ce qui est sans figure est laid lorsqu'il est privé de raison et de forme et reste extérieur à la raison divine. C'est là l'absolue laideur. Mais elle est aussi ce qui n'a pas été dominé par la figure et la raison, la matière n'ayant pas accepté de se laisser complètement configurer par la forme. La forme s'approche, réunit des parties multiples pour qu'elle ne soit plus qu'un tout grâce à cette union, et elle les amène à une unité parfaite grâce à cet accord. Elle les unifie parce que cette unité qui a été configurée par la forme se devait d'être une autant qu'elle le pouvait, elle qui est formée de parties multiples. Lorsque le beau a amené cette réalité à une certaine unité, il s'y établit en se donnant aux parties comme au tout. Ainsi donc, un corps beau est beau par une communauté avec une raison venue des dieux. Essayons de percer le mystère de la beauté chez Plotin sur France Culture, les chemins de la philosophie, en compagnie de Laurent Lavaux. D'après ce que vous avez dit, Laurent Lavaux, on entend à quel point Plotin fait peu de cas de la matière, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez dit qu'il l'identifiait au mal, qu'il privilégiait l'imbien, qui est une forme d'intellect suprême. Alors on pourrait facilement penser que du coup il tourne le dos à notre existence humaine. Or c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on viendra plus tard sur l'importance que Plotin accorde au corps singulier, à cette façon que nous pouvons avoir de rentrer en nous-mêmes et de sculpter notre âme comme une statue. Mais d'abord, dans ce texte, il distingue la beauté de la laideur. Nous avons dit que pour lui la beauté n'était pas dans la symétrie ni dans l'harmonie, mais elle n'est pas non plus dans une dislocation totale des formes. Au contraire, il faut qu'il y ait quand même la présence d'une forme, c'est-à-dire d'une idée au sens platonicien, pour que la beauté puisse advenir. C'est difficile de comprendre la nuance. Alors effectivement, et dans le texte qu'on a entendu, la beauté, comme vous le dites, doit advenir, et le texte dit que la forme s'approche d'une certaine façon, hein, qui renvoie à cette dynamique fondamentale. Hein, la beauté est toujours quelque chose de vivant et de dynamique chez Plotin. Alors, dans le texte, on voit très clairement deux attitudes de l'âme ou deux rapports de l'âme. D'abord, le rapport de l'âme à la matière, qui est la laideur absolue, effectivement. Que veut dire ici cette idée d'une laideur absolue? Elle est précisément, en tant qu'elle est amorphone, qu'elle est dénuée de toute forme, ce qui est radicalement étranger à l'âme. C'est-à-dire que c'est ce que l'âme ne peut jamais s'assimiler, ou ce à quoi elle ne peut jamais se conformer ou s'ajuster. Parce que elle représente, par rapport à l'âme qui a une forme elle-même, qui est intelligible, elle représente l'étranger radical. Le deuxième rapport est justement le rapport au beau. L'âme doit, dit le texte qu'on vient de lire, s'ajuster à la forme intelligible, s'ajuster à la beauté. D'une certaine façon, le ressouvenir dont je parlais, la mémoire dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément cet ajustement, c'est-à-dire la manière dont l'âme doit peu à peu se dépouiller, se purifier de son existence sensible, de sorte à se rendre elle-même adéquate, ajustée à l'éclat de la forme intelligible. Et donc, on voit cette bipolarité, cette ambivalence entre le fait de s'ajuster à la forme intelligible, qui est aussi une manière pour l'âme de se ressouvenir d'elle-même. Parce que originellement, l'âme, c'était la même chose que la forme. Elle vient de cette unité première. Elle s'en est détachée, elle s'en est disjointe. Mais faire l'épreuve de la beauté, c'est s'unir à la forme. Mais que s'est-il passé? Pourquoi s'est-elle disjointe de cette idée première? Si c'est pas Dieu qui l'a créée? Alors, que s'est-il passé? Enfin, comment Plotin répond-il à cette question, hein? Il y répond. Là encore, il y a eu une sorte d'accident, qui est décrit dans un traité qui s'appelle La descente de l'âme, dans les corps. L'âme, dit Plotin, a voulu s'appartenir à elle-même. Elle a perdu le sens de l'universel. Elle a perdu le sens de la totalité. Et donc, elle s'est alourdie, dit Plotin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle a commis la faute de ne plus chercher à s'unir, précisément, soit à l'âme totale, soit encore mieux, à l'intellect total, qui est au-dessus de l'âme. Et elle a voulu être à elle-même sa propre origine. Et en voulant être à elle-même sa propre origine, elle s'est singularisée et elle est tombée dans un corps particulier. Et donc, remonter à cette beauté originelle, c'est aussi se dépouiller de son corps individuel, de son corps particulier, et retrouver l'universel. Mais est-ce que c'est une manière de condamner la singularité? Parce qu'en fait, vous insistez sur l'universel, et même la communauté. Dans le texte qu'on a entendu, il dit « un corps beau est beau par une communauté avec une raison venue des dieux ». Est-ce que c'est une manière de dire, oui, que la vérité de la beauté est du côté de la totalité, de l'universalité, et pas de la singularité? Oui, si... Alors, ce qui est un peu effrayant dans ce cas, pour une conscience du XXIe siècle. Absolument, absolument. Ce qui est effrayant, comme la beauté d'ailleurs, parce que la beauté suscite de l'effroi pour Plotin. Alors effectivement, Il n'y a pas cette idée, qui est une idée peut-être qui vient de notre courant, qui est plutôt une idée du christianisme, de l'idée de personne, c'est-à-dire que la personne en tant que singulière porte en elle la valeur. D'une certaine façon, dans le néoplatonisme, ce qui est, alors singulier peut-être que le mot, et c'est surtout ce qui est particulier, ce qui est parcellaire, doit être surmonté pour être capable de la totalité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qui définit la particularité ? C'est le fait d'être prisonnier d'une entité, ici le corps, qui m'enferme en moi-même, qui m'enferme dans les limites de ma sensibilité propre. Et donc, que fait l'âme ? Que fait l'intelligence ? Et que fait la pensée ? Précisément, penser, c'est être capable de se départiculariser et d'advenir à un élément. Et c'est, là encore, dans le traité 31, c'est ce qui définit en propre, justement, la beauté. C'est que tout est dans tout, dans l'intelligible. Tout est dans tout. Et il parle même d'une forme de transparence totale. Il l'invite à faire une expérience de pensée. Et il dit, imaginez une sphère transparente où, à travers chaque chose, vous voyez toute chose. C'est ce que nous empêche de faire notre corps. Dans notre corps, nous sommes limités à ce que nous sommes. Si nous voulons, si les auditeurs lisent le traité 31, ils pourront faire cette expérience de pensée. Ce qui est très agréable à faire, disons-le, hein, c'est écrit vraiment de manière simple, en réalité. Pédagogique, rien n'est plus difficile que le simple. Mais... Oui. Il essaie de permettre au lecteur de faire lui-même ses expériences. Ouais. Et donc l'expérience qu'il s'agit de faire, c'est d'habiter cette sorte de sphère transparente, en quelque sorte purifié de précisément de l'espace, purifié de la matière, et de dire dans la beauté de l'intelligible, dans cette transparence, tout est lumière en quelque sorte. Et il dit, la lumière est visible par la lumière. Tandis que dans la pesanteur du corps singulier, précisément, nous faisons l'épreuve d'une forme d'opacité qui nous interdit de faire l'épreuve réelle de la beauté. La figure repoussoire pour Plotin, c'est Narcisse. C'est celui qui se contemple dans l'eau, qui ne fait pas la différence, qui commet deux erreurs, dit Plotin. Il ne fait pas la différence entre lui-même et un reflet, et puis il préfère le reflet à lui-même. Je vous propose que avant que vous nous expliquiez ce que Plotin dit de Narcisse, de réécouter le mythe tel que Ovide le décrit dans ses Métamorphoses. C'est une lecture faite par Anna Mouglalis. Narcisse, ayant considéré son visage dans le cristal de l'onde pure, fut si charmé qu'il en devint extrêmement amoureux. Il s'imagine que l'objet de sa passion est réel, et ce n'est qu'une vaine représentation de lui-même. Il s'admire, et semblable à une statue de marbre, il a ses regards toujours fixes et immobiles. Penché sur cette fontaine, il contemple tour à tour ses yeux, aussi étincelants que deux astres lumineux. Sa blonde chevelure, non moins remarquable que celle d'Apollon ou de Bacchus, ses joues colorées des fleurs brillantes de la jeunesse, son cou qui surpasse l'ivoire en blancheur, sa bouche et son teint de lys et de rose. Enfin, il est épris de sa propre beauté. Il est à la fois l'amant et l'objet aimé. Il est enchanté de lui-même. Il est consumé du feu qu'il allume. Ah, combien de vains et d'ardents baisers il donne à son image! Combien de fois il plonge dans la fontaine pour embrasser son fantôme. L'insensé ne connaît point l'objet dont il est charmé. Cependant, sa passion augmente et lui fait chérir sa fatale erreur. Il n'y a rien. Juste moi. Il n'y a rien, juste moi. C'est un extrait du film de Christophe Honoré, hein, d'après l'œuvre d'Ovide, Métamorphose. Alors, dans le texte qu'on entend, Laurent Lavaux, on entend bien, justement, cette séduction par l'image. Et ça, c'est un terme qu'on n'a pas encore prononcé, qui est pourtant important pour comprendre la conception que Plotin se fait de la beauté et celle dont il se distingue, justement. Alors oui, là, on est au cœur, finalement, de la méditation plotinienne, ou plutôt au cœur de la figure repoussoire, en quelque sorte. On pourrait dire que Plotin est à l'opposé de Narcisse, hein, dans sa conception de la beauté. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ce mythe que reprend Plotin explicitement, hein, dans le mythe de Narcisse? En fait, si on en donne une interprétation un peu telle que le fait Plotin, qui est quasiment l'interprétation métaphysique, le miroir, en l'occurrence, c'est la matière elle-même. Hein, c'est la matière qui est un miroir dans lequel l'âme reflète en fait sa propre puissance, hein, sa propre puissance, comme on disait tout à l'heure, de former les corps, de les modeler et de les vivifier. Tout le danger qui se présente à l'âme à ce moment-là, c'est que elle s'enivre en quelque sorte de cette puissance, elle se mire elle-même dans le reflet du sensible, et ce faisant, elle s'oublie elle-même, elle oublie sa propre origine. Et donc, comme Narcisse qui plonge dans l'onde, elle finit par plonger, finalement, dans le sensible. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec cet événement de la chute, c'est qu'elle cherche à s'appartenir à elle-même, disais-je. Ben, c'est exactement ce qui se joue ici, c'est-à-dire cette sorte d'égoïsme fondamental de l'âme qui finit par se replier sur soi. Et la catastrophe arrive, qui est pour Plotin, qui est la chute dans le sensible lui-même et dans le corps. Cette figure de Narcisse a une figure opposée dans le traité 1, qui est la figure d'Ulysse. Qu'est-ce que fait Ulysse ? Ulysse doit, tout à rebours, quitter le confort par exemple, des bras de Calypso ou de Circé, pour remonter vers l'origine, c'est-à-dire vers Ithaque. Et Ithaque, c'est le principe lui-même, c'est l'homme bien. Et donc, la beauté va être non plus la figure narcissique dans laquelle l'âme se reconnaît et se laisse fasciner par elle-même, mais la beauté est au contraire cette dynamique de dépassement, cette dynamique qui est nostalgique, hein, comme l'est la figure d'Ulysse, par lequel l'âme fait retour à ce dont elle provient. Et donc, ce que nous invite à faire Plotin à travers la lecture des traités, c'est nous-mêmes à faire cette odyssée à travers les dynamiques progressives de la beauté des corps, ensuite beauté des vertus, et ensuite beauté de l'intelligible lui-même, jusqu'à remonter vers l'Ithaque originel, à savoir l'un bien. Et donc, à travers le contraste entre ces deux figures, la figure narcissique d'un côté, où l'âme se perd dans la contemplation de sa propre puissance, et la figure de l'élan, du voyage, du dynamisme, eh bien, nous avons deux figures contrastées et radicalement opposées de ce qu'est la beauté. Rappelons que selon les interprétations, d'ailleurs, Narcisse ne tombe pas toujours dans l'eau. Parfois, il est changé en Narcisse, donc en fleur blanche, devant l'eau, sans forcément être happé par son propre reflet. Mais c'est ainsi que Plotin en parle. Mais alors, quelle est la différence vraiment entre Narcisse et Ulysse? Qu'est-ce qui les distingue? Ou plus exactement, est-ce parce qu'il y a un défaut de connaissance chez Narcisse, qu'il préfère le sensible et son propre reflet à la quête d'une âme plus intelligible? Ulysse n'est pas plus savant que Narcisse. Pourquoi l'un part en quête de la bonne chose vers la vérité quand l'autre sombre dans les eaux du sensible et d'ignorance? Alors je pense que c'est une expérience de la beauté précisément, hein, qui va être radicalement distincte. Se laisse saisir par une beauté immanente d'une certaine façon où le sensible le capte, hein, c'est les sortilèges de Circé, hein, si on reprend la figure d'Ulysse, ce serait un Ulysse qui serait resté éternellement dans les bras de Circé, tandis que l'autre a une expérience de la beauté où précisément il éprouve, alors à la suite de Platon, hein, Plotin parle d'une sorte d'effroi de troubles, hein. Et en fait on pourrait presque dire qu'entre Narcisse et Ulysse c'est une certaine qualité de désir qui va faire la différence. Ah, voilà. Un désir où d'un côté l'âme se clôt sur elle-même, précisément sur sa propre immanence, qui est une intériorité, mais une intériorité de fascination pour sa propre puissance d'un côté, et un désir qui est élan dynamique, et donc un désir qui est souvenir, là encore, de l'origine. C'est ça, le désir vient de du manque qui est créé entre l'origine et ce que nous sommes devenus, cette distance-là. C'est ça. Et en même temps, on pourrait parler d'une proximité dans le beau, d'une proximité de la distance. C'est-à-dire que le beau se fait proche de l'âme, se manifeste à elle. Et en même temps, Narcisse, c'est celui qui ne voit plus la distance, qui est juste dans la proximité du beau et qui n'entend plus l'appel du lointain, l'appel de la distance, l'appel de l'intelligible et au-delà de l'intelligible, l'appel du bien lui-même. Alors, contre toute attente, peut-être, à l'écoute de ce que vous venez de dire, Laurent Lavaux, et à la lecture des traités, alors là, on parle surtout du traité sur le beau 1, 6, comme ça qu'on l'appelle, et 31 aussi. Donc les textes que vous entendez ce matin sont issus de ces deux endroits. Là, on va écouter un autre texte du 1, 6, sur le beau. Il y a contre toute attente, Plotin semble inviter à une forme, et là on va revenir au début de l'émission, en fait, à une forme de retour sur soi. On a dit, mais le soi n'existe pas vraiment, c'est pas un encouragement à la singularité, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est au contraire l'universel et la totalité contenue dans l'un bien qui compte. Eh bien, dans ce texte, qui est resté un des plus célèbres de Plotin, celui-ci nous invite à revenir en nous-mêmes et à prendre soin de notre âme en la sculptant telle une statue. Écoutons ce texte et vous nous direz ensuite en quoi est-ce que ce qu'il dit est contradictoire avec ce que vous venez de dire. Comment voir la sorte de beauté que possède l'âme bonne ? Retourne en toi-même et vois. Et si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le fabricant qui doit rendre une statue belle. Il enlève ceci, efface cela, polit et nettoie jusqu'à ce qu'une belle apparence se dégage de la statue. De même pour toi, enlève le superflu, redresse ce qui est tordu et, purifiant tout ce qui est ténébreux, travaille à être resplendissant. Ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la splendeur divine de la vertu et que tu vois la tempérance qui siège sur son auguste trône. Si tu es devenu cela et que tu te vois dans une telle disposition, alors tu es devenu pur et il n'y a plus aucun obstacle qui s'opposerait à devenir ainsi un. Tu n'as plus dans ton rapport à toi-même un autre élément qui se mélange à toi, mais tu seras devenu alors entièrement une unique et authentique lumière. Qu'il soit d'abord totalement divin et totalement beau, celui qui doit contempler le Dieu et la beauté. En s'élevant, en effet, il arrivera d'abord à l'intellect, où toutes les formes sont belles, et il dira alors que c'est cela le beau, les idées. Travaille à être resplendissant et ne cesse de sculpter ta propre statue. Quel texte, Laurent Lavaux, qui est très très beau ici, lu par Hélène Losseur. Et surtout, on y entend un appel, voire une injonction, au travail. C'est vraiment retrousse tes manches et occupe-toi de toi. Absolument. Et ça permet de comprendre aussi une dimension dont on n'a pas encore parlé, c'est à savoir que la question du beau chez Plotin n'est pas seulement une question esthétique, en fait. C'est-à-dire que elle l'est en partie, puisqu'il y a aussi, comme on l'a dit, un appel de la beauté sensible, mais il y a aussi une dimension éthique fondamentale, et peut-être, et au-delà de l'éthique, mais tout est lié chez Plotin, métaphysique. Alors, pourquoi une dimension éthique? Et là, on rentre avec ce texte sur le fait de sculpter sa propre statue, on rentre dans cette dimension éthique. Il parle souvent de pureté, de catharsis, qui est une des dimensions de l'éthique, une dimension une préparation à la vertu pour Plotin. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il de se purifier? À quoi s'agit-il de ne plus être mélangé? En fait, là encore, c'est ce qui en nous, c'est surajouté à notre identité, à savoir tout ce qui relève de la matière, du corps, mais en tant que, à travers le corps, la détermination de la matière peut, en quelque sorte, obscurcir l'âme et la rendre opaque, comme je le disais. Ce travail que l'âme doit accomplir sur soi, et ce travail de purification, de dépouillement, en fait, de tout ce qui l'a alourdi, de tout ce qui l'a rendu précisément connivente avec l'ordre physique, l'ordre des corps. Et donc, la vertu est le fait que l'âme, dans ce travail, revient à sa puissance intelligible, à sa puissance de pensée, et donc se déleste pour pouvoir en quelque sorte remonter vers l'intelligible. Alors, vous disiez au commencement, en introduisant le texte, sculpte ta propre statue. Est-ce que ce serait une recommandation d'aller vers la singularité, précisément? En fait, statue ici, le terme grec est agalma, ne veut pas dire qu'il faut trouver une sorte d'identité singulière, précisément. Hein. On a beaucoup tourné autour de cette question de l'identité. Le soi dont vous parliez n'est pas le soi irréductible à nul autre. C'est ce qui me rend totalement différent de tout autre. Mais le soi réel, c'est le soi qui, au contraire, me rend connivant à la totalité, me rend connivant à la totalité des formes vers lequel je dois, par la purification, m'identifier. Et dans ce texte aussi, bon, on pourrait le commenter très longuement. Allez-y, je vous en prie, nous. Il y a aussi cette idée de la lumière qui est fondamentale. Oui. Hein, il faut s'identifier à la lumière, nous dit-il. Voilà, il faut s'identifier à la lumière. Mais justement, s'identifier à la lumière, c'est d'identifier à la lumière de l'intelligible, hein, c'est-à-dire à une lumière supérieure qui n'est presque plus de l'ordre du voir ou du regard, mais voir le beau dans l'intelligible, pour Plotin, c'est déjà... être en deçà, en retrait par rapport à l'expérience véritable. Il va très très loin dans les chapitres qui suivent où, d'une certaine façon, il dit il ne s'agit même plus de voir le beau, mais il s'agit de devenir soi-même beau. Et c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire de se laisser illuminer de sorte à soi-même devenir lumière. Alors évidemment, c'est un langage qui peut nous paraître étranger ou un peu mystique, mais Plotin lui-même revendique une forme d'expérience qu'il aurait lui-même faite, hein, d'une certaine façon, de cette épreuve de la beauté, hein, épreuve où, à la suite de ce travail dont on parlait, éthique de purification, eh bien l'âme elle-même devient lumière, l'âme elle-même se laisse pénétrer totalement, se rend transparente elle-même à la lumière de l'intelligible, à la lumière de l'intellect. Et donc, c'est dans cette transparence-là que se joue finalement l'épreuve ultime, hein, de la beauté. Donc, la question de l'agalma, hein, de la statue, hein, image magnifique, mais en même temps, image de la statue qu'il faut encore dépasser parce qu'elle a encore une forme d'opacité. Ce qu'il faut comprendre dans l'image de la statue, c'est que la statue elle-même est image de quelque chose d'autre, d'une certaine façon. Et l'âme elle-même est image de l'intelligible. Oui, parce que d'autant que cette image de la statue, on peut la lire de différentes façons. En lisant ce texte, on peut penser notamment à un poème de Rilke, qui décrit le torse d'une statue auquel elle voudrait s'identifier, et qui porte ce titre, pas énigmatique, mais plutôt qui encourage à l'action, « Tu dois changer ta vie ». C'est la dernière phrase du poème dans mon souvenir. Absolument. Et il voit cette statue, et il pense à cette phrase-là. On l'inscrit généralement, ce texte, dans ce qu'on appelle le perfectionnisme moral, ce qui invite à l'action sur soi sans jamais atteindre la perfection, mais en ayant conscience de sa perfectibilité. Il y a un chemin à suivre vers quelque chose. On pourrait tout à fait appliquer ça à Plotin. Laissons de côté, hein, ce que vous dites, ce que Plotin dit sur le fait que c'est pas la singularisation qui compte et que le but est quand même d'atteindre l'un bien total et universel. Le travail sur soi-même, sculpter sa propre statue et ne pas cesser de le faire, a des échos troublants avec ce poème de Rilke et le courant dont je parle. Alors effectivement, dans ce poème, le torse d'Apollon, Rilke contemple un torse et il y voit précisément, de façon assez néoplatonicienne, hein, il y voit la présence, hein, de quelque chose qui dépasse la simple matérialité précisément du torse sculpté. Et il fait ce lien dont je parlais tout à l'heure entre l'expérience esthétique et l'expérience éthique. Il termine effectivement le poème en disant « Tu dois changer ta vie », qui est presque un appel à l'épistrophée, à la conversion, hein, oui, au sens plotinien. Alors, pour autant, peut-être... pour Plotin, hein, ce ne serait qu'une étape. C'est-à-dire que je dirais que le travail dont on parlait tout à l'heure, le travail éthique, hein, du fait de travailler sur soi, de se purifier, il y a des exercices réglés, hein, qui peuvent aller dans ce sens-là, n'est que propédeutique à une expérience où de légèreté, où ce n'est plus seulement éthique, on pourrait presque dire qu'on dépasse, hein, le stade éthique, où on se laisse saisir. Alors là, il parle aussi d'une forme d'ivresse, hein, l'ivresse de ceux qui sont ivres de nectar, hein, pour reprendre l'image du banquet, où plus que de ce travail volontaire, actif, ou de l'âme qui travaille sur elle-même, il s'agit de se laisser emporter par la vague même de l'intellect, du Dieu qui nous saisit et qui, par sa propre beauté, nous rend nous-mêmes transparents. Et donc, il n'y a pas de volontarisme. Enfin, il y a une étape qui est volontaire, hein, qui est un travail, mais à ce travail succède l'ivresse bienheureuse, hein, de celui qui se laisse emporter par la présence, par l'enthousiasme, il parle de l'enthousiasme, par la présence en lui du divin, et du divin qui est l'intellect. Et dans un une très belle image. Il dit aussi que à ce niveau-là, la beauté est épanouissement. Il parle de l'efflorescence du beau, hein, au niveau de l'intellect. Et donc, l'âme elle-même, lorsqu'elle elle aboutit, hein, à ce lieu intelligible, se laisse épanouir elle-même par ce mouvement, cette dynamique de la beauté, d'éclosion du beau. Donc, on n'est plus dans ce simple souci de purification, mais au-delà même de ce travail de purification. Quels sont les exercices à suivre pour ce travail de purification? Vous avez dit ils sont réglés. Alors l'exercice, il y en a deux, c'est-à-dire se purifier d'abord de son corps, c'est-à-dire que ne pas se laisser prendre par tout ce qui relève de la vie du corps. Hein, donc l'âme doit suivre une ascèse. Quand je parle d'exercice, c'est l'ascèse elle-même, hein, par laquelle l'âme se détache du corps. Ensuite, il s'agit d'exercer la philosophie, d'exercer la dialectique, hein, de penser. L'exercice de la pensée est la deuxième étape qui permet de ne plus se laisser en quelque sorte contaminer par la présence en soi du corps. Il s'agit aussi d'ailleurs dans cette forme d'ascèse de ne plus être affairé, polupragmonos, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans notre vie quotidienne toujours dans l'affairement, et donc on revient à ce que disait Sherlock au début, hein, il s'agit aussi de retrouver ce silence intérieur, hein, qui est le silence du corps. Le corps s'apaise pour pouvoir donc faire l'exercice de la pensée elle-même, de la dialectique. Mais c'est pas un programme qui donne très envie. Enfin, j'imagine qu'il le savait, mais c'est aller vers une forme d'anorexie silencieuse et solitaire est une manière de tourner le dos complètement à l'existence. Alors, anorexie, je vous suivrai pas sur ce terme. Vous dites ascèse, purification du corps, on se dit quelle autre forme ça prend. Alors, anorexie au sens, si on parle de l'orexis, au sens du désir purement physique, effectivement. Mais il y a une autre vie de l'âme, qui est une vie plus enviable, qui procure une forme de joie, hein, de joie la plus profonde, la plus authentique, et qui est celle d'un éros, d'une certaine façon. C'est-à-dire que il s'agit, là encore, de passer d'un éros à l'autre, d'un désir à l'autre, et il s'agit de vivre de la vie même des dieux, de l'ivresse même des dieux. On est loin d'un ascétisme purement négatif. Il y a aussi une véritable joie, une véritable danse, hein, diplotin de l'âme qui se met en quelque sorte à suivre le cortège des dieux. Mais c'est un ascétisme corporel, en tout cas. Alors, pour le coup, oui, là, on ne peut pas... peut-être que ça va à l'encontre de notre manière de penser le rapport au corps. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, oui. Effectivement. Le corps peut être manifestation, le corps peut révéler la puissance de l'âme, mais dans l'ascétisme, dans la purification, effectivement, chez Plotin, il y a bien cette idée de se détourner, malgré tout, de la puissance du corps. Ça, le néoplatonisme est une ascèse en ce sens-là. Et c'est d'ailleurs le cas de toute une partie de l'histoire de la philosophie qui écarte le corps de la pensée. Il faut attendre beaucoup plus tard pour que des philosophes puissent réintroduire le corps dans l'exercice même de la pensée. Alors, de ce point de vue-là, le néoplatonisme a aussi contaminé en partie le christianisme, parce qu'il y a toute une ascèse par rapport au corps, par rapport au sensible, dans le christianisme. Et en premier lieu, par exemple, chez Augustin, qui est un héritier direct de Plotin, qui vient de cette tradition néoplatonicienne, mais qui n'est sans doute pas conforme à l'intuition profonde du christianisme, puisque dans le christianisme, il y a cette idée de l'incarnation, et le corps, en fait, a une toute autre signification que ce qu'il a dans cette signification purement ascétique, et malgré tout négative, hein, du corps chez Plotin. Hein. Bon, même si on peut aussi parfois sauver le corps, c'est-à-dire que le monde est beau chez Plotin, faut pas non plus faire de contresens. Hein. Il va contre les gnostiques, par exemple, qui disent que le monde est mauvais. Il y a aussi une célébration du monde. Du monde matériel, de l'éclat du monde matériel. Mais le monde est beau, ce monde-ci, est beau s'il est pris comme une image, précisément, on en parlait tout à l'heure, s'il est pris comme dans sa valeur iconique de reflet qui témoigne d'une réalité autre que lui-même. Tout le problème du regard qui se perd dans le monde, et là le monde devient précisément mauvais, s'il nous enferme, s'il devient une sorte de prison, hein, comme disait le Phédon, qui nous empêche de remonter. Mais il y a une véritable beauté du monde, dans sa valeur iconique, précisément. Au fond, ce que dit Plotin, c'est que rien n'est plus difficile à saisir que le simple. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un double, vous dites une image, une copie du monde réel auquel nous essayons d'accéder et qui est un, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire simple. Alors, le simple, c'est peut-être la valeur fondamentale, hein, dans le plotinisme, puisque la simplicité, c'est celle de l'un lui-même, hein, du principe lui-même, qui est l'un pur, hein, dénué de toute complexité, de toute altérité. Et d'une certaine façon, il s'agit toujours de remonter de la multiplicité vers la simplicité, de la multiplicité vers l'unité des formes, et au-delà de l'unité des formes, vers l'unité pure de l'un. Alors, puisqu'on parle de l'un, deux mots sur l'un. L'un, ce qui est très étonnant aussi chez Plotin, c'est que l'un est au-delà même du beau. Le beau est manifestation, mais manifestation ultérieure par rapport au principe purement unifié qui est l'un. Mais peut-être qu'on pourra en reparler une autre fois. Bah, il vous reste 30 secondes pour conclure sur l'un et le simple. En tout cas, on aura compris que c'est le maître mot, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, toute beauté, comme je disais, est éclosion. Toute beauté va avec une manifestation, mais elle est manifestation du secret de l'un, du caractère caché, invisible de l'un. Et la beauté, d'une certaine façon, c'est cet éclat qui est l'avancée de l'un vers nous, mais l'un reste en quelque sorte en retrait de cette manifestation. Merci beaucoup Laurent Lavo d'être venu nous parler du beau chez Plotin ce matin. Je renvoie à vos ouvrages Mystique et Monde aux éditions du Cerf, D'une métaphysique à l'autre, Figure de l'altérité dans la philosophie de Plotin, c'était aux éditions Vrin, et puis la traduction et les commentaires de 5 traités de Plotin de la collection Garnier Flammarion. Il y en a un qui n'est pas plotinien, c'est Serge Gainsbourg qui préfère largement regarder les choses de l'extérieur. Tu es belle, vue de l'extérieur. Et là je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en. Va te faire voir, va faire voir ailleurs. Il est beau, vu de l'extérieur. Malheur à moi qui ai pénétré à l'intérieur. C'était bon, ça évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je reviens ce matin sur la réforme du lycée qui comprend également une refonte des programmes dont celui de la philosophie. Mercredi 20 mars était présentée aux associations de professeurs de philosophie une proposition de refonte de ce programme. Dans cette proposition, ne figuraient pas deux notions jusqu'ici enseignées, le travail et l'inconscient. Le lendemain, Johan Ferber, professeur, chercheur et essayiste, auteur du livre « Après la littérature », publiait un tweet partagé 4000 fois, autant loué que critiqué, pour y dénoncer la disparition de ces deux notions du programme philo et par suite celle de deux penseurs de ces notions, Marx et Freud. Je suis aujourd'hui au téléphone avec Johan Ferber. Bonjour à vous. Bonjour. Alors voici ce que vous avez écrit le jeudi 21 mars sur votre compte Twitter. Le nouveau programme de terminale en philo vient de tomber. Deux notions disparaissent et non des moindres, le travail et l'inconscient, c'est-à-dire Marx et Freud, qui a dit que la réforme Blanquer n'était pas idéologique et orientée politiquement. Alors, avant d'en venir à cette critique idéologique de la réforme Blanquer, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce tweet ? Alors moi, c'est très très simple. Ce que j'ai voulu dire avec ce tweet, c'est que tout simplement, j'étais stupéfait. En effet, la notion de travail et la notion d'inconscient sont deux notions qui sont particulièrement appréciées par les élèves. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours suite à mon tweet d'élèves de terminale qui avaient eu le bac il y a quelques années et qui se sont émus de la disparition de ces deux notions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces deux notions, ce ne sont pas deux notions innocentes dans le champ. La première, si on considère le travail, c'est le seul moyen pour un professeur de philosophie d'intégrer, de suggérer, d'introduire la notion de l'aliénation marxiste du travail. C'est une notion qui est capitale pour les élèves. C'est un éveil pour eux à un questionnement sur le travail. La deuxième chose, c'est évidemment la notion d'inconscient. Cette notion d'inconscient, ce n'est pas une notion, elle non plus innocente dans le champ, c'est évidemment la théorie freudienne de l'inconscient qui, en classe de philosophie d'ailleurs, n'est jamais introduite innocemment puisqu'elle est toujours introduite avec des précautions oratoires et puis aussi avec la critique du freudisme. Et ce sont effectivement ces deux notions qui disparaissent, et ces deux notions qui disparaissent sont en fait deux auteurs qui disparaissent, Marx et Freud. C'est-à-dire que la théorie marxiste l'aliénation au travail, c'est un des grands marqueurs conceptuels de la pensée marxiste. De la même manière, la théorie de l'inconscient, un des grands nerfs conceptuels, on le sait tous, du freudisme, c'est justement cette notion d'inconscient. La liste des auteurs à enseigner, elle, n'a pas encore été présentée. Alors, la liste des auteurs à enseigner n'a pas été présentée, effectivement, mais cette liste des auteurs à enseigner, il faut bien voir que dans le BO de 2003, cette liste des auteurs enseignés, c'est une liste, en fait, qui regroupe tous les noms de l'histoire de la philosophie qui peuvent être étudiés dans le cadre de l'oral de rattrapage, où l'on prépare, en effet, les élèves à l'oral de rattrapage sur des textes de philosophes. Alors, si on a voulu éliminer, en supprimant l'inconscient et le travail, Freud et Marx du programme de notions, on va quand même pas les rayer de l'histoire de la philosophie. Enfin, j'espère pas, tout du moins pas encore. Voilà, donc je voulais insister sur cette critique qui a été faite au tweet. Ce sont deux choses totalement différentes. La liste d'auteurs et la liste des notions sont totalement décorrélées. Vous avez été beaucoup salué, c'est d'ailleurs remarquable, il faut se rendre compte à quel point en fait l'inquiétude autour d'un programme de philo peut rencontrer un écho dans l'opinion publique, mais vous avez été aussi beaucoup critiqué, vous avez beaucoup été fact-checké, c'est-à-dire qu'on a vérifié la véracité de votre propos. Le JT de TF1 le 30 mars a consacré une chronique à votre tweet et il y voyait une fake news, il critiquait votre tweet en y voyant la production d'une erreur d'information, d'une fake news en tant que telle. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai démontré tout à l'heure, je peux très bien prouver que ce que j'ai avancé dans le tweet est fondé. Par exemple, on nous dit, oui, les programmes ne sont pas définitifs. Oui, mais enfin, ce sont quand même, c'est un groupe d'experts qui s'est réuni. Il ne s'agit pas de bruit de couloir que j'ai entendu ou de mots lancés à la fin d'un dîner arrosé. Il y a eu un document qui a été produit formellement par écrit. Ça veut dire que dans les discussions qui vont à présent engagé, sauf s'il rétropédale, les notions de travail et d'inconscient ne sont plus présentes. Et ce fact-checking qu'on entend à tour de bras, c'est une manière pour les journalistes de ne pas interroger le fond idéologique des réformes Blanquer. Et c'est une manière finalement de dépolitiser la question. Or, le fact-checking ne peut pas aller sans une politisation de la question. D'ailleurs, qui a été interrogé dans mon tweet, c'est tout sauf la question finale que je posais, à savoir pourquoi les réformes Blanquer, on ne peut pas dire autre chose qu'elles sont idéologiques et politiques. Et moi, la chose que je voudrais vous dire ce matin au micro, c'est de toute façon, on ne pourra plus rien enseigner. De toute façon, on ne pourra pas enseigner Platon, Hegel, Nietzsche avec des classes à 35. Ce qui n'est jamais interrogé dans le fact-checking, c'est la généralisation des classes à 35 et la fin de tous les demi-groupes. C'est ça la réforme Blanquer. Donc la réforme de l'enseignement au lycée et la réforme de ce bac philo, c'est aussi une manière de questionner les conditions de possibilité de cet enseignement. On a bien compris votre propos, Johan Ferber. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions en quelques minutes, ces questions cruciales. Je rappelle que vous êtes donc professeur, chercheur et essayiste et que vous avez publié un livre qui s'appelle « Après la littérature » et que l'on trouve aux éditions PUF. Merci beaucoup Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Elsa Le Saulnier qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Thomas Beau qui était la réalisation de cette semaine sur la beauté. Thomas Beau, cette semaine t'es aussi dédiée. Ainsi qu'à Emmanuel Laurentin, ça je l'ai dit lundi dernier, on termine la semaine avec toi. Pierrick Monsigny était à la prise de son aujourd'hui. Hélène Losseur était à la lecture des textes. Demain, on se retrouve à l'occasion d'un nouveau Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de Julia de Funès. D'ici là, pour écouter cette émission et cette série sur le beau, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires et on sera ravis de discuter avec vous. Voilà, on se retrouve demain à 10h précise, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.